C'est la mélodie des talons. Back to back en ballon. Shoot curry en double. Je suis niéné sur gazon. Ballon dans, daron dans. Sous au fil dans sa maison. T'as pas mort. Je connais la direction. C'est la boussole. À gauche après le salon. On adore. Wang comme un bâton rouge. Déroule le tapis rouge. Elle m'a piqué, elle m'a fait un sort. Elle est wet comme Black Pearl. Mille sabons. Yeah, pousse comme ça. Et mes bitches comme toi. Si tu back it up like that. Prête pour la mise à mort. Mise à mort. Yeah, pousse comme ça. Et mes bitches comme toi. Si tu back it up like that. Prête pour la mise à mort. Mise à mort. Les mains le back it up. Un back it up tapeur. Oh là là. Pendant ces mes c'est Kadomi Kongoala. Pas de gal, on c'est en gal, ils sont tout là là. Je viens pour tout péter, je vais chez Castorama. Priez-moi la patrona, on c'est en boss. Peux pas mander moi molly pour ni en fosse. La ni plein, poum poum, panidos. La ni plein, poum poum, panidos. Yo choqué les fesses, café clap. Clap, clap, clap. Yo save, c'est la tap. Tap, tap. Yo choqué les fesses, café clap. Back it up like that. Prête pour la mise à mort. Mise à mort. Yeah. Pousse comme ça. Et mes bitches comme toi. Si tu back it up like that. Prête pour la mise à mort. Mise à mort. Yeah. Pousse comme ça. Yo choqué les fesses, café clap. Pousse comme ça. Prête pour la mise à mort. Mise à mort. Yeah. Pousse comme ça.